le soleil n'est pas toujours joyeux. Car le soleil n'est pas qu'une affaire de saison. Si l'évocation de cet astre éveille en vous des images de plages paradisiaques et des baignades à gogo, c'est que l'absence de soleil ne vous a pas été trop cruelle. À ceux qui ont grandi dans l'ombre, loin des rayons lumineux, dans les enfers d'une enfance sans fête, avec dans le cœur l'oubli de parents disparus, à ceux qui ont grandi du côté de la nuit et qui depuis cherchent des soleils, cette émission est dédiée. Frères humains qui, après nous, vivez. Est-ce que je t'entends bien? Tu cherches quelque chose? Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Et je crois vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs qu'entre nous endurcis. Je veux créer pour moi mon propre soleil. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes neuropsychiatre, écrivain, vous avez passé une grande partie de votre vie à écrire sur ceux qui ont réussi à transformer des blessures en énergie de vivre ou qui ont su puiser dans leur énergie de vivre malgré leurs blessures. Et vous publiez chez Odile Jacob un livre qui s'appelle « La nuit, j'écrirai des soleils ». Autant dire que cette série sur le soleil pour nous commence avec une métaphore. De quoi le soleil est-il la métaphore? De la chaleur affective, de la présence de quelqu'un qui, en nous rassurant, éclaire le monde. Sans elle, le monde n'est que brouillard. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi penser. Je suis petit, je connais rien du monde. Ma mère n'est pas là. Elle arrive, elle ou un substitut, qui peut être un homme. Un homme peut être une bonne mère. Le substitut arrive, mon monde s'éclaire et mon monde affectif se réchauffe, je peux me remettre à vivre. Voilà la métaphore du titre. Le soleil est donc ce qui manque à ceux qui ont vécu sans vous, comment appelez-vous ça, la sécurité affective, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, c'est un monde de glace. C'est pas vraiment une métaphore. Oui. On le voit par exemple avec les enfants abandonnés, notamment, il y a une image tristement célèbre, c'est celle des petits Roumains abandonnés par la politique criminelle de Ceausescu. 200 000 enfants ont été privés de mère, donc privés de soleil. Rien ne s'est développé. Ils n'étaient que auto-centrés, puisque le seul objet extérieur à eux-mêmes, c'était leurs mains, leur balancement, leurs cris, leur propre odeur. Rien ne pouvait éclairer leur monde n'était que brume. Donc c'est pas une métaphore, c'était un monde de glace. Et ces enfants, certains ont pu être réchauffés, se remettre à vivre, et certains n'ont pas pu être réchauffés. Cette expression est de vous, « La nuit, j'écrirai des soleils ». Eh oui. Parce que dans ce livre, comme dans d'autres avant, notamment « Sauve-toi, la vie t'appelle », vous racontez votre propre expérience d'un enfant qui a grandi sans ses parents et qui a réussi à se construire malgré cela, grâce à l'écriture notamment. Alors effectivement, d'abord, ma famille avait disparu, mon père d'abord, j'avais 2 ans, il s'est engagé dans l'armée française et il a été arrêté. Il a été blessé à Soissons et il a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. Allez comprendre ça. J'ai vu des lettres de lui où il comprenait pas. Il disait, mais pourquoi est-ce qu'on m'arrête? Donc il a disparu à Auschwitz, il n'est pas mort. Il a disparu à Auschwitz. Ma mère l'a suivi quelques années après et ma famille n'était déjà plus là. Ils étaient tous dans l'armée française, dans la résistance, ou déjà à Drancy ou à Auschwitz. Donc j'étais seul, et là c'était la nuit. Il n'y avait que du noir. Vous aviez quel âge ? Mon père s'est engagé, j'avais 2 ans, j'ai été arrêté moi-même, j'avais 6 ans et demi, mais des justes m'ont protégé, et là le sommeil, j'ai fait un lapsus intéressant, ça reste entre nous ça. Personne ne vous écoute, soyez rassurés. Et là, la nuit a été longue, mais le soleil est apparu grâce à cette kyrielle de justes qui m'ont protégé jusqu'à la libération. Mais vous-même avez réussi à vous échapper. Je me suis évadé. Je me suis évadé, et quand je le raconte, pendant la guerre, je devais ne pas en parler, parce que si j'en avais parlé, si j'avais été à l'école, j'aurais été arrêté. Comme dans le film de Louis Malle, avec qui j'avais correspondu, pour le Adieu les enfants. Et donc je ne pouvais pas aller à l'école, ce qui n'était pas grave, puisque j'étais toujours dans la campagne, et c'était plutôt heureux. C'était bien de ne pas aller à l'école, je fréquentais tous les voyous du village, c'est un bon souvenir. Mais après, il a fallu se scolariser après la libération, et à ce moment-là, j'ai changé complètement de direction, et ce sont des personnes avec qui j'étais lié par l'attachement, qui ont brillé, qui m'ont indiqué la voie. Ça, c'est intéressant, ça ne l'est pas. Il faut que tu ailles dans cette direction, mais surtout pas dans celle-là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me structurer, alors qu'avant eux, j'étais libre comme un petit voyou, mais j'étais pas malheureux. Donc vous avez grandi avec une disparition, celle de vos parents, et une évasion, la vôtre, qui au moment où vous vous êtes arrêté, d'ailleurs vous dites, j'ai découvert à ce moment-là que j'étais juif, on n'avait jamais prononcé le mot, vous réussissez à déjouer les autorités pour échapper à ce qui allait être votre sort, c'est-à-dire votre emprisonnement à ce moment-là. C'était la mort, puisque le mot était clairement prononcé. Hein. Quand Madame Farge, qui me cachait, a dit « Si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif ». Donc j'ai appris ce jour-là, un, que j'étais juif, et deux, que j'étais condamné à mort. Et l'officier de la Gestapo qui venait m'arrêter avait des lunettes noires la nuit, et une torche, un revolver, un chapeau sur la tête, ce qui était une mise en scène impressionnante. Et il a dit, non, il faut qu'on l'arrête, parce que sinon, il va devenir, en grandissant, il va devenir un ennemi d'Hitler, ce qui n'était pas si mal vu que ça. Donc, j'ai appris cette nuit-là que j'étais juif et que j'étais condamné à mort, mais que il suffisait de se taire pour avoir l'autorisation de vivre. Facile. Sauf que, pendant la guerre, il fallait se taire, et après la guerre, j'ai été obligé de continuer à me taire parce que les adultes n'entendaient pas, ne pouvaient pas entendre ce que je disais. Ils riaient. Comment ça, ils riaient ? Mais oui, mon évasion leur paraissait invraisemblable. On ne vous croyait pas ? On ne me croyait pas. On me disait, tu racontes de belles histoires. Où j'ai entendu aussi, tes parents ont dû commettre un bien grand crime pour être punis si cruellement. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de parler avec les adultes sont pas des gens sérieux, et j'ai pas changé d'avis. Et vous avez passé surtout votre vie à écrire. Et j'ai eu le rêve d'écriture, tout comme Primo Levi. Je voulais écrire ce qu'on m'empêchait de dire. C'est-à-dire que j'ai compris que quand je disais, je faisais rire, ou je provoquais l'incrédulité, ou je provoquais même des comportements moralisateurs, c'est pas bien, ou tes parents ont commis un grand crime, donc je me suis dit, puisque je ne peux pas le dire, eh bien, je vais l'écrire. Et c'est exactement ce que dit Primo Levi, il dit, je vais écrire ce que je ne peux pas dire. C'est exactement aussi c'est à peu près ce que dit Elie Wiesel, quand il dit « je ne peux pas me taire, parce que si je me tais après Auschwitz, je vais être complice des agresseurs, des criminels, donc il faut que je témoigne. » Et c'est impossible de témoigner, c'est trop dur à dire et c'est trop dur à entendre, donc je vais passer par le détour de la littérature. Et là, les gens pourront l'entendre par le théâtre, par le roman, là, ils pourront entendre mon presque témoignage. C'est pas le témoignage style Primo Levi, c'est le témoignage transformé, métamorphosé par la littérature, mais ça, les gens peuvent l'entendre. Et c'est le sujet de votre livre, hein. La nuit, j'écrirai des soleils, vous parlez de Pérec, vous parlez de Gary, vous parlez beaucoup de Jean Genet. Avant qu'on y vienne, encore une question sur vous, Boris Cyrulnik, puisque c'est quand même le point de départ aussi de votre écriture. Pourquoi, dans ce cas, avoir choisi de faire des études de médecine et d'être devenu médecin, si c'est l'écriture qui vous occupait? Parce que on m'avait dit que ma mère, comme toutes les mères juives, voulait que je devienne médecin. Donc, comme elle n'était plus là, comme elle était idéalisée, comme elle était morte, donc idéalisée, j'avais donc une mission. Pour lui faire plaisir, il fallait donc que je devienne médecin, comme Romain Gary. Mais Romain Gary est devenu ambassadeur de la France, prix Goncourt, chevalier de la Légion d'honneur, etc. Ah bah vous ne vous en sortez pas si mal, Boris Cyrulnik, quand même, même en vous comparant à Romain Gary. Vous êtes l'auteur, l'inventeur, peut-être, du concept de résilience, qu'on a énormément entendu ces dernières années, peut-être un peu trop, c'est-à-dire vraiment à toutes les sauces, on parle de résilience tout le temps. Alors, pouvez-vous nous dire votre définition de la résilience pour savoir de quoi on parle vraiment ? Alors, la définition de la résilience, elle est bébête, tellement elle est évidente. Hein. C'est-à-dire qu'on est traumatisé. Un grand malheur nous arrive, on comprend pas. On est hébété. Et le mot hébété, c'est le mot qui est confirmé aujourd'hui par la neuroimagerie. quand on a un trop grand malheur, le cerveau ne peut pas traiter les informations, il est gris, il fonctionne plus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on reste prisonnier du malheur, ça arrive, c'est le syndrome psychotraumatique, ou bien on se débat pour se remettre à vivre tant bien que mal. C'est la définition de la résilience. Il n'y a pas plus bébête que cette définition. Alors ça, c'est, ce qui est difficile, en revanche, c'est de découvrir les facteurs qui permettent la reprise d'un nouveau développement. C'est la résilience. Et alors là, il y a des facteurs biologiques, des facteurs neurologiques, des facteurs affectifs, des facteurs psychologiques et des facteurs socioculturels. Donc on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout apprendre. Et là, il faut se mettre en équipe et s'associer pour essayer de répondre à quelques-unes de ces phrases. Alors le concept est rentré étonnamment bien dans la culture, peut-être un peu trop vite, avec des contresens, mais c'est pareil pour toutes les découvertes scientifiques. Si vous ne croyez pas, regardez le ADN, le sigle. Il y a une compagnie d'assurance qui dit « Nous assurons jour et nuit, c'est dans notre ADN ». C'est le contresens total, puisque l'ADN s'exprime différemment selon les structures du milieu. Donc, c'est le contresens total, et je crois que c'est vrai pour idiot, pour imbécile. À l'origine, c'était les mots scientifiques. Quand vous dites à quelqu'un « vous êtes idiot », vous ne pensez pas du tout à une référence de Binet et Simon, à une référence scientifique. Donc je crois que c'est la règle. Quand les concepts scientifiques hystérie, je suis schizophrène, c'est une politique schizophrène. Quand un mot scientifique rentre dans la culture, il est digéré par la culture, c'est-à-dire métamorphosé et transformé avec des contresens. Mais grâce à vous, on peut le préciser petit à petit, il y a de moins en moins de contresens. Ça veut dire que la résilience n'est pas une affaire de volonté, je rebondis sur la définition que vous avez proposée. On est biologiquement, on est un carrefour de pression écologique. Psychologiquement, on est un carrefour de récits. C'est-à-dire que je suis un autre, ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire que je suis sculpté par vos sourires, par vos froncements de sourcils, par vos mots. Vous me sculptez. Et réciproquement. C'est-à-dire, alors on peut commencer par la neurologie, un cerveau seul ne fonctionne pas. Il s'éteint. Pour activer un cerveau, il faut un autre cerveau. Et Rizzolatti, que j'ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer. Rizzolatti. C'est un professeur de neuroimagerie de Parme, en Italie. Il montre comment un cerveau de mammifère, humain ou non humain, un cerveau de mammifère se met à fonctionner s'il y a un autre mammifère de son espèce ou d'une autre espèce. Et à ce moment-là, on voit que le cerveau s'entraîne, se développe, se circuite, c'est-à-dire qu'un cerveau seul ne fonctionne pas. Donc, psychologiquement, ma mémoire autobiographique n'est remplie que de ce que vous y mettez. Je vais raconter ma vie avec vos hochements de tête, avec vos désaccords, avec vos fâcheries, avec vos disputes. Tout ce que je vais raconter, elle n'était pas d'accord alors que c'est moi qui ai raison, tout ce que je vais raconter de moi viendra de notre relation et de les émotions que vous provoquez en moi. La vie est une émission de radio en fait, c'est ça que vous dites. C'est une mise en abîme, c'est exactement ce qui se passe à chaque discussion. Nous ne vivons que dans le regard et les questions que nous posent les autres. Mais oui, mais c'est la vie quotidienne qui nous sculpte. D'abord, la première sculpture, c'est le ventre des femmes. La deuxième sculpture, c'est le bras des femmes. Et la troisième sculpture, c'est l'intervention de quelqu'un d'autre à aimer. Et c'est l'intervention très tôt des récits qu'on entend. Mais ces récits, un enfant ne peut les entendre qu'à partir de la troisième année, puisque aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Sauf un, Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Assis sur la planche d'une triste cabine au mur encore mouillé, j'ai découvert Nietzsche. Quelques instants de bonheur triste en visitant le monde de ce philosophe que je prenais pour un poète. Une grande part de mon plaisir venait du contraste entre l'élégance de ses mots, la beauté des images que sa pensée produisait, et la boîte sordide de la cabine de bain, nue, morne et puant l'eau de Javel. Les mots de Nietzsche m'aidaient à m'évader du triste réel. « Est-ce que je t'entends bien ?» Tu cherches quelque chose. Où se trouve au milieu du monde réel d'aujourd'hui ton domaine et ton étoile? Où peux-tu te coucher au soleil pour que toi aussi tu aies un excédent de bien-être et que ton existence se justifie? Que chacun agisse pour son compte, sembles-tu me dire, et se sortent de la tête les généralités, le souci des autres et de la société. Je veux davantage. Je ne suis pas de ceux qui cherchent. Je veux créer pour moi mon propre soleil. Comment créer son propre soleil? Peut-être par l'écriture. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Et c'est ce qu'affirme Boris Cyrulnik dans son dernier ouvrage « La nuit, j'écrirai des soleils » publié aux éditions Odile Jacob. Nous venons d'entendre, enfin je viens de lire un extrait de votre livre et ensuite on a entendu un court paragraphe du Gai Savoir de Nietzsche qui emploie le terme de soleil. Il le dit bien, je veux davantage, je ne suis pas de ceux qui cherchent, je veux créer pour moi mon propre soleil. Comme si en fait il n'y avait pas un soleil pour tout le monde mais que chacun avait un soleil qui lui était propre et que c'était ça l'enjeu de l'existence, Boris Cyrulnik. Absolument. Et Nietzsche n'est pas un philosophe. On comprend tous ses mots, c'est un poète, c'est un... Est-ce que vous pensez que les philosophes, on comprend pas ce qu'ils écrivent? Ça m'arrive souvent d'essayer de lire un philosophe et de pas comprendre une phrase. Chez les scientifiques aussi, hein. Oui, bien sûr, on apprend une langue. C'est ça, exactement, c'est une langue étrangère. Quand c'est une langue étrangère, ben on comprend pas. Or, Nietzsche n'emploie pas une langue étrangère, je comprends toutes ses phrases. Et je trouve, par exemple, créer son propre soleil, le malheur, si on ne fait rien, si on est passif, le malheur arrive. Le bonheur, il faut le fabriquer, il faut le chercher, il faut le construire. Et ça, le soleil ne peut se construire que dans la relation. Comme on le disait tout à l'heure, vous êtes ce que je fais de vous, et inversement. Si je vous irrite, eh bien, l'irritation que vous allez exprimer, c'est moi qui l'aurai provoquée. Inversement, si je vous fais sourire, et inversement. On est co-auteur du soleil. Mais on peut le chercher, on peut le fabriquer. Il suffit d'être attentif à l'autre, il suffit de chercher les mots. Et à ce moment-là, je peux mettre dans votre âme une représentation que je désire, qui est dans mon âme. On va vivre ensemble, on va être co-auteur du moment agréable qu'on va passer ensemble. Donc ici, soleil, c'est synonyme de bonheur, de moment agréable. C'est plus que ça, c'est vital, c'est la vie. Le soleil, c'est la vie. Et je vais reprendre la triste image des orphelins de Ceausescu. Il y en a d'autres, hein, mais cette image est rentrée dans notre culture tellement elle était horrible et tellement ça a été une révélation terrifiante que j'ai eu l'occasion de voir à Bucarest et à Constanța, en Roumanie. C'est plus que ça. C'est-à-dire que lorsque on décide de créer une entente, on y travaille, on s'efforce, on s'entraîne, on apprend, et lorsqu'on décide de créer une relation affective, on est réchauffé. On est réchauffé affectivement, et ça, c'est pas une métaphore, c'est qu'actuellement, la neuroimagerie rend observable et photographiable comment un cerveau se remet à dégager de l'énergie quand une relation se fait. Quand on parle, par exemple, la parole modifie la structure cérébrale. J'ai mal dit. La parole modifie d'abord la fonction cérébrale, certaines zones du cerveau se mettent à fonctionner, consomment de l'énergie que l'ordinateur traduit en couleur rouge ou orange, ça dégage de l'énergie, et si on parle régulièrement, cette zone cérébrale s'hypertrophie. On a musclé le cerveau, on l'a transformé en structure parce qu'on a parlé. Donc c'est pas une métaphore. La neuroimagerie aujourd'hui rend observable comment c'est vital. J'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. Voir, j'ai besoin d'écrire car c'est dans l'écriture que je pourrais raconter une histoire qui, jusque-là, n'arrivait pas à sortir. C'est le témoignage de Georges Perec que vous citez dans votre livre, Boris Cyrulnik. Georges Perec, l'odeur de la disparition, ce livre qui a été écrit sous une contrainte sous forme de lipogramme, c'est-à-dire que là, pour le coup, il choisit sa contrainte. Il y aura une lettre qu'il n'utilisera pas dans la rédaction de ce livre. Écoutez-le en parler, puis vous nous direz ensuite votre interprétation qui fait considérer le travail de Georges Perec sous un nouveau jour. Le problème était, au départ, était donc d'avoir beaucoup d'imagination. Pour avoir beaucoup d'imagination, j'ai cherché la solution dans ce que je connaissais et dans ce qui m'avait fasciné dans la littérature. Et je suis tombé sur une première réponse qui est la notion de contrainte, tout simplement. J'ai choisi une contrainte qui était extrêmement simple et qui est ceci: je ne vais pouvoir employer de mots que sous une certaine condition. Le schéma est extrêmement simple. Quand on écrit, on fait en général attention aux phrases, on fait attention aux mots, on choisit ces mots, mais on ne fait pour ainsi dire pas attention aux lettres. Et si on décide de se priver, de faire disparaître un élément dans cet alphabet, si au lieu de 26 lettres, on va seulement en avoir 25, on va avoir une véritable catastrophe qui va se produire, pour peu que la lettre que l'on choisisse soit une lettre importante. Et j'ai décidé de me priver de la lettre la plus importante en français, qui est la lettre E. Je l'ai décidé d'une façon abrupte, et en me disant au début que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas écrire. Effectivement, au début, on n'arrive pas à écrire. Alors, ce qui a été pour moi fascinant, c'est que une fois donné cette contrainte, le livre est sorti, je dois dire, tout seul. Enfin, il y a eu une espèce d'automatisation de l'écriture, de l'invention, qui n'a jamais cessé. Et qui, en plus, s'est mis à raconter tous les problèmes que je me posais, moi, à propos de l'écriture. Elle contribue à inventer l'histoire, d'abord, très simplement, parce que l'histoire que l'on va raconter va évidemment être l'histoire de cette disparition. C'est l'histoire de cette disparition qui l'invite, qui même l'incite à écrire presque de manière automatique, nous dit Georges Perec. Cette disparition, c'est la lettre E. La lettre E a disparu, et la disparition de la lettre E indique la disparition de E, mes parents disparus. C'est-à-dire que cette contrainte l'oblige à s'exprimer et à métamorphoser le vide. Ses parents ont disparu, il a été hébété pendant très longtemps. Il a une histoire terrible, l'histoire de l'enfance de Georges Perec. Il attendait le retour de ses parents, ils n'étaient pas morts, ils étaient disparus. Donc il attendait, donc il ne travaillait pas à l'école, il n'avait pas de copains, il était hébété, il attendait. Ses parents ont été déportés, mais on ne lui a jamais dit. Son père, c'est... Alors, Georges Perec, c'est mon frère d'âme, parce que sa mère porte le même nom que ma mère, Smoulevitch. Parce que son père s'est engagé dans le régiment des volontaires étrangers, comme mon père, et je me plais à penser que nos pères se sont connus, possiblement. Il y a eu 11 000 soldats, 7 500 tués à Soissons. Son père peut-être a été tué à Soissons, peut-être a disparu à Auschwitz. Sa famille, sa mère l'accompagne à la gare de Lyon pour le mettre dans un home à Villard-de-Lans, où j'ai été. Quand je me suis évadé, je me suis caché sous le corps d'une dame mourante parce qu'elle avait été éventrée par des coups de crosse des soldats allemands et les soldats l'avaient ramassée et j'ai plongé sous son corps. Madame Descoubès m'a fait signe. J'ai plongé sous le corps de Madame Blanchet que j'ai retrouvée longtemps après la guerre et j'ai eu des relations amicales avec son fils et sa famille actuellement. Donc j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Et Georges Perec, mon frère d'âme, est hébété. Il est très mauvais et il a été archiviste à l'hôpital Saint-Antoine, au CNRS. Et mon ami, le professeur Ferreri, l'a eu comme archiviste. C'est un scientifique. Est-ce que vous avez lu Le jet de tomate sur la cantatrice? Non. Vous devez le lire. C'est noté. Promis. Ma lecture de l'été. C'est un livre dangereux. Vous risquez de mourir de rire, parce que s'il calcule le jet de tomates, la courbe, c'est un scientifique, comment il faut jeter les tomates, collectionner les tomates, et il fait les publications avec des fausses citations du chinois Yin Tiang Pong, que vous avez forcément lu. Évidemment, lui pour le coup, oui. Et donc il avait transformé le désespoir de sa vie en œuvre d'art. Sous la contrainte, et dans ce petit document que je connaissais pas... C'est incroyable, il livre toutes les clés d'interprétation de ce texte. Il donne toutes les clés et un mot, notamment, qui est aussi une clé, c'est le mot catastrophe. Catastrophe. Il dit, on enlève une lettre à l'alphabet et c'est une catastrophe. Voilà. Et je connaissais pas ce document. C'est magnifique parce que c'est vrai que le mot catastrophe contraint à l'évolution. Que ce soit sur le plan biologique, sur le plan psychologique et peut-être même sur le plan social... La catastrophe contraint à l'évolution. Sinon, c'est des réformettes. On s'adapte, comme le disait notre ami Darwin. On s'adapte, mais là, quand il y a un moment de chaos, il faut trouver une nouvelle solution. On invente une nouvelle manière de vivre. Si on est un animal, on invente, si les dinosaures disparaissent, les mammifères inventent une nouvelle manière de vivre. Si une culture disparaît, où ce fracas s'effondre, il faut inventer une nouvelle manière de vivre en société. Si quelqu'un, mon soleil, s'éteint ou disparaît de ma vie, je suis dans le noir, dans la glace, il faut inventer une nouvelle manière d'aimer et une nouvelle manière de vivre. En reproduisant la catastrophe, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, ici, Perec a besoin d'une contrainte qui provoque une autre catastrophe pour pouvoir créer. En métamorphosant la catastrophe, parce qu'il crée. Ouais. Donc c'est métamorphose, une autre forme qu'il donne à la catastrophe, c'est la fonction de la littérature. Peut-être c'est la fonction de la philosophie aussi, c'est donner une forme verbale à quelque chose d'impensable. C'est-à-dire que c'est la fonction, donc la fiction, la littérature, ont une fonction vitale. Je retrouve la phrase de tout à l'heure, on écrit ce qu'on ne peut pas dire. Et la catastrophe, ou bien on reste hébété, c'est la définition du traumatisme, ou bien si on veut se remettre à vivre, il faut métamorphoser sa souffrance. Les cabinets étant la couveuse de son imagination, un lieu somnolent et sombre où il pouvait respirer ses propres odeurs, c'est preuve d'une corruption interne que plus tard, en prison, il recueillerait au creux de ses mains pour les aspirer avidement. Comme si trônant sur les émanations de son corps, il en était l'oracle inspiré. Je suis né à Paris le 19 décembre 1910, pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. Peut-être aurez-vous reconnu la voix de Jean Genet, qui est sans doute l'écrivain qui revient le plus dans votre récit, Boris Cyrulnik. On sent, alors je ne sais pas s'il y a une identification, mais en tout cas une fascination pour ce personnage. Voilà, fascination, c'est le mot. Identification, non. Fascination parce que la vie de Jean Genet illustre les découvertes actuelles sur les théories de l'attachement. Probablement, Jean Genet a été isolé affectivement, sensoriellement, précocement, pendant la grossesse peut-être, par le refus de porter cet enfant, pendant les premiers mois de la vie, on sait maintenant que le cerveau se sculpte intensément dans les premiers mois, et que lorsqu'un enfant est isolé à ce moment-là, son cerveau est abîmé. Donc les premiers mois sont très importants pour le starter, pour le démarrage de la vie. Et puis ensuite, Jean Genet me fascine parce qu'il n'a pas pu être réchauffé. Alors que Lucie, sa sœur de lait, qui elle aussi a été abandonnée et accueillie dans cette famille. Par la même famille qui a accueilli Jean Genet. Elle dit « Mon père, Monsieur Grelier, cet homme si gentil ». Elle dit « J'ai été heureuse dans cette famille avec mes frères, mes sœurs ». Elle se sent de cette famille, alors que Jean Genet, isolé précocement, habite dans un hôtel. J'habitais chez eux. C'est ça. J'habitais chez ces gens-là. C'était pas mon père, c'était pas ma mère. Il n'y avait pas de chaleur affective. Je les aimais pas. J'habitais chez eux. Et il a appris à ne pas aimer. D'ailleurs, il écrit clairement, si quelqu'un vous aime, il faut le voler, il faut le trahir. Alors ça, c'est une fascination, mais c'est pas du tout une identification. C'est-à-dire que il illustre totalement comment un enfant abîmé par l'isolement sensoriel précoce de la niche sensorielle des premiers mois a une altération cérébrale qui est durable si on ne parvient pas à réchauffer l'enfant affectivement. Mais c'est pas systématique, puisque Lucie, sa sœur de lait, elle n'a pas vécu les choses ainsi. C'est la définition de la résilience. C'est-à-dire, c'est pas systématique. Si on réchauffe l'enfant, il reprend non pas son développement, mais il reprend un bon développement. C'est le cas de Lucie, sa sœur de lait, qui a repris un bon développement. Mais c'est pas le développement qu'elle aurait eu si elle avait pas été abandonnée. Mais c'est bien quand même. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas la trace de l'isolement. Mais elle est redevenue humaine. Elle a réappris à aimer, ce qui n'est pas le cas de Jean Genet, qui n'a pas appris à aimer. Il avait peur de l'affection, il avait peur des autres, il avait peur de l'amour qu'il désirait pourtant, mais il en avait peur. Et c'est pour ça qu'il raconte comment, à l'école, on a retrouvé plein de témoignages, parce que c'était des enfants des pupilles de l'assistance publique, donc il y avait plein de comptes rendus. Donc c'est des archives qui ont été faciles à retrouver. Et le Morvan a gardé cette tradition de recueillir des enfants abandonnés, des enfants en détresse, avec une belle culture morvandiaise. On dit morvandiaise ? Aucune idée. Je vous ferai suivre les remarques des auditeurs qui habitent dans le Morvan. Oh, il y a sûrement des gens qui vont savoir comment il faut dire. Et cette belle culture d'accueil des enfants, et ces familles d'accueil sauvent énormément d'enfants. Ils n'ont pas sauvé Jean Genet, qui était trop froid. Il était réfrigéré par une carence affective grave, précoce, intense, durable. À l'école, il avait peur de tout. Il avait peur de ses copains. Un petit garçon doit jouer au foot, doit se bagarrer, doit rigoler. S'il ne le fait pas, eh ben, il apprend pas à vivre. Et Jean Genet, terrorisé par les autres, se réfugier, se cacher derrière les livres. Donc il est devenu bon élève. Mais c'est un bénéfice secondaire de sa névrose, comme dirait Papa Freud. C'est-à-dire que, comme il avait peur des relations, il se cachait dans les livres. Et je connais beaucoup de gens qui sont rentrés à l'ENA comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'ils font des performances intellectuelles stupéfiantes, mais ils ne savent pas dire bonjour. C'est-à-dire... Et Jean Genet était comme ça. Il n'a pas été réchauffé. Alors le bénéfice de sa névrose, ça a été sa langue, puisqu'il s'était... Le petit soleil qu'il s'était fabriqué, c'était sa langue, son art de décrire. Mais il décrit des choses moches, il décrit des poubelles. C'est là où il était heureux, dans la poubelle. Dans les excréments, hein, l'extrait que je lisais, que vous citez dans votre livre. Dans l'odeur de son corps, ouais. Dans les excréments, il se lavait pas. Leïla Chaïd, que j'ai rencontrée, l'a croisé à la fin de sa vie. Il se lavait pas, il vivait dans une chambre d'hôtel. Il se laissait aller dans la crasse. C'est là où il se sentait lui-même, parce qu'il n'avait pas été réchauffé. Mais le bénéfice secondaire de sa névrose avait été le talent de ses mots. Et là, il avait un vrai talent. Le vêtement des forçats est rayé, rose et blanc. Si, commandé par mon cœur, l'univers où je me complais, je l'ai lu, ai-je le pouvoir au moins d'y découvrir les nombreux sens que je veux? Il existe donc un étroit rapport entre les fleurs et les bagnards. La fragilité, la délicatesse des premières sont de même nature que la brutale insensibilité des autres. Que j'aie à représenter un forçat ou un criminel, je le parerai de tant de fleurs que lui-même, disparaissant sous elles, en deviendra une autre, géante, nouvelle. Vers ce qu'on nomme le mal, par amour, j'ai poursuivi une aventure qui me conduisit en prison. S'ils ne sont pas toujours beaux, les hommes voués au mal possèdent des vertus viriles. De même, ou par le choix fait pour eux d'un accident, ils s'enfoncent avec lucidité et sans plainte dans un élément réprobateur, ignominieux, pareil à celui où, s'il est profond, l'amour précipite les êtres. Les jeux érotiques découvrent un monde innommable, que révèle le langage nocturne des amants. Un tel langage ne s'écrit pas. On le chuchote la nuit à l'oreille, d'une voix rauque. À l'aube, on l'oublie. Niant les vertus de votre monde, les criminels désespérément acceptent d'organiser un univers interdit. Ils acceptent d'y vivre. L'air y est nauséabond, ils savent le respirer. Mais les criminels sont loin de vous. Comme dans l'amour, ils s'écartent et m'écartent du monde et de ses lois. Le leur sont la sueur, le sperme et le sang. Enfin, à mon âme assoiffée et à mon corps, ils proposent le dévouement. C'est parce qu'ils possèdent ces conditions d'érotisme que je m'acharnais dans le mal. Ce qui est sans doute le plus fascinant, Boris Cyrulnik, dans cet extrait du journal du voleur, donc de Jean Genet, ainsi que dans tous ses textes, c'est la lucidité dont il fait preuve. Car tout ce que vous nous avez dit permet peut-être de comprendre le rapport à l'écriture, pourquoi, même le rapport à lui-même, cette complaisance dans la crasse, etc. Mais comment se fait-il qu'il soit aussi lucide sur lui-même, sur les mécanismes qui le conduisent à être ce qu'il est? C'est presque une forme de perversion. Ces mots sont magnifiques, mais la définition actuelle de la perversion, c'est Deleuze et Lacan qui nous la proposent, c'est un monde sans altérité. La seule loi, c'est celle de mon désir. L'autre n'existe pas. Jean Genet se faisait mettre en prison pour découvrir le bonheur de s'évader grâce aux mots. Et alors là, il avait un talent magnifique. Ah, il faisait exprès de se faire emprisonner pour pouvoir écrire. Il chapardait bêtement. Il chapardait une bouteille de martini. Il chapardait un livre. Il signe trois contrats avec des maisons d'édition pour un manuscrit, sachant que la première maison va le publier, que les deux autres maisons vont lui faire un procès. Il le sait. Il le fait. Il se fait mettre en prison. Et enfin, en prison, les odeurs sont fétides. Il est emprisonné, il aime ce milieu de poubelle parce qu'il est contraint, comme Georges Perec, ouais. cette contrainte à s'évader par les mots. Il ne peut pas, il n'a pas le choix. Là, il doit écrire, et là, il est magnifique. Et Rimbaud était un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il aime la poubelle, et pour lui, l'érotisme est fétide. C'est-à-dire que c'est pas la marquise de Sévigné, là, c'est pas... L'érotisme est fétide. Il aime ce qu'il appelle les anus dorés. Il aime les odeurs fétides, et pour lui, c'est érotique. Et c'est pour ça qu'il aime les hommes persécutés. D'abord, il aime les miliciens français. Il s'identifie aux jeunes nazis français qui font régner la terreur. Il dit « j'aurais pu m'engager, je serais devenu milicien ». Puis ensuite, il s'identifie, il aime les panthères noires, seul blanc parmi les noirs, il est heureux. Puis ensuite, il aime la bande Abadère, et puis surtout, il aime les Palestiniens. Il revint dans un camp palestinien à l'époque où ils avaient été massacrés par l'armée jordanienne. Et ce qu'il aime, c'est pas leur défense. Ce qu'il aime, c'est pas leur goût d'une nation, la recherche d'une nation. Ce qu'il aime, c'est que ces beaux jeunes gens sont nus, persécutés, armés, et que désormais, ayant été persécutés, ça légitime leur propre agressivité. Ils sont en légitime défense s'ils mettent des bombes. Mais ça n'explique pas la lucidité. Vous en parlez très bien, mais lui-même savait tout ça, comprenait tout ça. C'est très difficile. Une vie d'analyse ne me conduirait pas à ça. Non, je crois que c'est parce qu'il était pervers. Quand on est pervers, on dit ce qu'on pense parce que l'opinion de l'autre n'a aucune importance. Donc, on a plus de temps pour penser à soi, enfin pour se comprendre soi-même. Oui, et puis je me moque de votre opinion. Ce que vous pensez de moi, vous n'existez pas. Donc, votre opinion n'a aucune influence. Si j'étais banalement névrosé, j'attacherais trop d'importance à votre opinion. Je voudrais vous plaire, je ne dirais que les mots qui vous conviennent et pas les miens. Je me dépersonnaliserai et ensuite je vous le reprocherai. Alors que Genet, il fait pas ça du tout. Il se fout de votre présence. Vous n'existez pas. Donc, il est plongé dans son monde intérieur, comme tout à l'heure je parlais des petits Roumains qui, n'ayant pas d'altérité, n'ont que des balancements, respirent l'odeur de leur bouche. Ils soufflent, font rebondir l'odeur de leur bouche pour avoir un sentiment, un ersatz d'existence, il n'y a pas d'autre. Mais là, la privation d'autre, elle est politique. Alors que pour Jean Genet, la privation d'autre, elle est développementale. Il n'a pas appris la présence des autres. Il n'a pas appris à s'intéresser, à découvrir le monde des autres. Donc il est centré sur lui-même. Donc vous n'existez pas. Mais comme il a le talent des mots, comme il s'est réfugié, il s'est protégé par les mots, il a acquis un véritable talent des mots, et comme vous le dites, une lucidité d'une élégance extrême. Comment ce gars qui aimait la pourriture peut-il parler si bien? Mais vous pensez qu'il faut avoir ce type de perversion pour être un grand écrivain? Oh, non, je connais beaucoup de grands écrivains qui sont névrosés, et votre serviteur peut-être en fait partie. Donc c'est soit névrosé, soit pervers, en fait, c'est ça? Ah ben c'est le schéma psychanalytique, ça. C'est un peu simple. La pédagogie noire est une théorie hypocrite qui prétend que les punitions, les maltraitements, l'exploitation et toutes sortes de cruautés sont bons parce que nécessaires pour former le bon caractère de l'enfant. En vérité, un enfant n'apprend jamais de bonnes leçons par punition, manipulation et mensonge. Ce que l'enfant apprend à cette occasion, c'est aussi de manipuler, de mentir, de prétendre d'agir pour le bien de l'autre, etc. Nous attendons que l'enfant, qu'il apprenne ce que nous voulons, et qu'il apprenne et qu'il oublie les moyens cruaux que nous avons employés. Mais en vérité, l'enfant n'oublie rien. Il va employer les mêmes moyens plus tard, quand il sera adulte, envers les autres qui seront plus faibles que lui. C'est la voix d'Alice Miller qui parle de ce qu'elle nomme la pédagogie noire. Vous la citez aussi dans votre livre au milieu d'autres écrivains, Maurice Cyrulnik. Alors oui, Alice Miller parlait plusieurs langues et enseignait dans plusieurs langues, mais ce qu'elle explique, c'est autobiographique, c'est son cas. Elle a été très utile pour la défense des enfants en dénonçant ce qu'elle appelle ce que son éditrice lui a conseillé d'appeler la pédagogie noire. Mais c'était bien, elle a joué un grand rôle dans la protection de nos nouveaux enfants. À ses dépens, en fait. Parce qu'elle-même est victime, elle n'a pas su justement ne pas reproduire envers ses enfants ce qu'elle avait vécu. Voilà, c'est ça. Elle a été utile à la cause des enfants en dénonçant la pédagogie noire. C'est pour ton bien que je te bats, ça marche pas. Ça, donc là, elle a dit merci à Alice Miller, mais pas merci à Alice Miller quand elle dit qu'il y a une répétition, une contrainte à la répétition. C'est son cas, comme vous venez de le dire, mais ce n'est pas vrai. C'est son cas, et quand je parlais avec elle, elle expliquait tout par la maltraitance, parce qu'elle avait eu une enfance très difficile, très cruelle, et elle avait souffert pendant toute, elle a souffert toute sa vie. Quand je l'ai rencontrée, elle souffrait encore. Mais elle était d'une intelligence très appréciable, et elle refusait d'accepter la théorie de la résilience parce qu'elle n'avait pas repris une bonne évolution. Elle était prisonnière du passé, elle ne pensait qu'à ça, et elle expliquait tout par la maltraitance des enfants. Donc merci Alice Miller, il faut pas maltraiter les enfants, ça n'est pas une méthode pédagogique, et pas merci Alice Miller, parce que j'ai eu des tas de petits patients qui me disaient... J'ai entendu la phrase « Cet enfant a été maltraité, donc il deviendra un parent maltraitant » et cette phrase m'a été beaucoup plus cruelle que les coups de mon père. Et cette phrase a provoqué beaucoup de suicides d'enfants. Et en plus, elle est fausse. Quand un enfant est maltraité et entouré et sécurisé, il reprend un autre développement, ce que n'a pas voulu faire Alice Miller. Il reprend un autre bon développement et ne répète pas la maltraitance. Beaucoup de travaux populationnels ont été faits et qui confirment la phrase que je viens de vous proposer. Mais Alice Miller expliquait tout par la maltraitance. Elle me disait « il n'y aura jamais la guerre, il n'y aura jamais la paix au Proche-Orient parce que tous les hommes sont circoncis. Donc ils ont été des enfants maltraités, donc ils font la guerre ». Elle expliquait tout par une seule cause. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons tous? Est-ce qu'on n'est pas toujours tributaire de notre propre vie, en fait? Est-ce que tout récit ou toute pensée ou tout système n'est pas, en fait, autobiographique? Alors, c'est le piège de la pensée autobiographique. C'est-à-dire que on explique tout par ce qui est saillant dans notre mémoire. Mais vous forgez le concept de résilience parce que vous-même avez pu mettre en œuvre. Sauf que cette réalité. Sauf que j'ai compris que dans la résilience est un raisonnement systémique et non pas une cause provoque un effet. Il y a mille causes, il y a mille déterminants pour le façonnement d'un être humain. Donc comme il y a mille déterminants, choisissez celui qui vous convient et il sera confirmé par vos enquêtes. Mais il y aura d'autres déterminants que vous n'aurez pas découverts. Donc, alors que dans la résilience, comme on se met en équipe de disciplines hétérogènes, on découvre qu'il y a une convergence de mille déterminants. Donc le raisonnement par une seule cause est un raisonnement totalitaire, alors qu'on sait qu'il est totalitaire parce qu'une cause explique tout, alors qu'on sait que mille causes interviennent pour fabriquer un être humain. Au milieu de Jean Genet, Rimbaud, Alice Miller et d'autres écrivains, on trouve dans votre livre, Boris Cyrulnik, de longues pages sur Gérard Depardieu. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je suis un homme rationnel, cartésien. Moi, je ne suis qu'une ombre. Et vous, qu'une clarté. C'est ta faute, t'as qu'à pas me troubler. Et je crois vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. J'ose. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça résiste. Où en étais-je? Toi, par exemple. Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Ah, l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment où nous sentons qu'en nous un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Mais arrête de discuter avec moi, s'il te plaît! C'est la laideur qui résiste, la beauté elle se donne ou alors elle se prend. Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime. Ta présence me trouble, ton odeur me trouble. Te sentir derrière moi dans l'obscurité, ça me fait perdre mes moyens. Quand t'es devant, c'est encore pire. Comprends-tu à présent? Enfin, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous, c'est trop. Toi, moi, tout le monde, la vie est une prison. Et la plus terrible de toutes, parce que pour s'en évader, il faut passer l'arme à gauche. Je plaisante jamais avec ces choses-là. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Ce qu'on entend dans ce montage réalisé par Thomas Beau ici, donc vous aurez peut-être reconnu un extrait de Cyrano de Bergerac, hein, dans sa version cinématographique. On a aussi la chèvre, les valseuses, les fugitifs, tenues de soirée. C'est la multiplicité de son discours. Alors certes, c'est un acteur, mais ce que vous montrez, c'est que derrière le chaos de Pardieu, enfin plutôt devant le chaos, pour protéger ce chaos qui était initial, cette absence de structure, d'armature, eh bien les textes, le jeu, sont venus apporter cette armature qui lui manquait. C'est ainsi que vous l'analysez, Boris Cyrulnik. Alors j'aime beaucoup la vocalité de Depardieu. Elle respire la vitalité, elle respire l'amour des autres. D'ailleurs il dit « J'aime les hommes, j'adore les femmes, je vénère les chats ». Il aime tout ce qui est vivant. Et quand il parle, on sent son amour de la vie. Depardieu n'a pas été élevé en carence affective, il a été élevé en carence verbale. On s'aimait, on bougeait, il y avait de la vie autour de lui, il y avait un père qui buvait un peu trop, mais qui était là, il y avait une mère qui ne savait pas parler, mais qui était là, il y avait des frères, des sœurs, beaucoup de copains, une liberté totale, il courait, j'allais dire la campagne de Châteauroux, il courait la vie, il chapardait, et il n'était pas malheureux, mais il vivait dans un monde où il n'y avait pas de mots. Et donc probablement, il serait mal parti. Il pouvait très facilement. Il dit, il a chapardé. Il a commis des bêtises d'enfant, des trucs pas très graves, mais il s'est un petit peu battu, bagarré, mais sans haine. Il n'avait pas de mots, donc il n'était pas d'accord avec vous. Il envoyait un coup de poing. C'est pas grave, un coup de poing. Il savait pas le dire avec des mots. Alors il le disait avec un poing. Mais un jour, en pleine, il découvre le cinéma. Bien sûr, il entre sans payer, bien sûr. Et il découvre le cinéma, et là, coup de foudre. Les mots des autres sont des merveilles. Et là, il apprend des textes, ce petit voyou inculte apprend des textes merveilleux, et il éprouve la merveille quand il récite les mots des autres. Cyrano de Bergerac. Et là, effectivement... Et en plus, il y a une mise en abîme, parce que dans Cyrano de Bergerac, Cyrano lui-même prête sa voix à celle de Christian, qui lui ne sait pas écrire. C'est celui qui sait écrire et qui sait parler. Voilà, il y a un double jeu, un double jeu, J-E-U et double jeu, J-E. Et c'est très amusant, je crois que le metteur en scène a bien joué avec ça, et Depardieu aussi a bien joué avec ça. D'ailleurs, il a remis une très jolie préface à une de mes amies, une danseuse, Guylaine Destesma. Il lui a remis une très jolie préface... Où Rimbaud, alors c'est pas ses mots, c'est des phrases apprises. Il a appris une série de phrases dont il a fait la préface où il dit j'ai été sauvé par les mots des autres. Et il offre comme préface un véritable poème. Alors que lui, ses mots à lui, il aurait pas su. Mais il se socialise par les mots des autres. Et il a appris cette spontanéité des quartiers. On dit ce qu'on pense, hein, puis si t'es pas d'accord, tu vas voir, hein, je vais te le faire savoir, moi. Et je pense à un témoignage où il est dans un quartier où les gosses le chahutent un petit peu, le provoquent un peu, et puis il y a un gosse qui va un peu loin dans la provocation, et Depardieu lui répond, comme on répond dans ces quartiers, c'est pas parce que t'es noir que je vais pas t'envoyer mon poing dans la figure. Alors, et le gosse sourit. Parce que cette brutalité, cette bourrin, de lui convenait. C'est comme ça qu'on se parle. Donc, on ne sait plus parler. On prend des mots calfeutrés, on prend des mots cachés. On ne sait plus parler comme ça. Et lui, il parle comme ça. Donc, il révèle son amour de la vie, son amour des autres, par le langage des autres. Donc, voilà, jusqu'à présent, on a parlé d'écrivains, de ceux qui s'en étaient sortis par l'écriture. C'est aussi par les mots des autres que ça peut fonctionner. En fait, c'est un rapport au langage, dans tous les cas, qui sauve. Mais absolument. Le langage donne forme à ce qu'on pense, mais surtout le langage des mots, le langage des gestes, l'énonciation, la manière de dire modifie aussi la manière de ce qu'on pense. Et là, on crée un monde. Le monde des mots n'est pas la traduction. Le monde des mots écrits n'est pas la traduction d'un mot parlé. Le monde des mots écrits, c'est la création d'un autre monde. Et là, on a un degré de liberté. puisqu'on peut choisir, on peut raturer, on peut chercher, on peut lire un autre, trouver, chercher une belle phrase. On a le travail, l'élaboration. Rabelais disait « ex-labouré ». Et labouré, c'est-à-dire que c'est un travail de paysan, il faut avoir les pieds sur terre. Quand on écrit, on est paysan, on a les pieds sur terre, on cherche, on rature, on se trompe, on recommence, on prend un dictionnaire. Et là, c'est ce travail-là qui fabrique, construit un monde où on peut se sentir à l'aise. Sachant que la douleur parfois vient du fait que nos mots ne parviennent pas à saisir le réel lui-même. On peut en fabriquer un autre, mais rien n'est plus difficile que d'écrire ce qu'il y a. Mais bien sûr, c'est pas le réel. C'est l'invention d'un autre réel. C'est pour ça que les comédiens sont importants, c'est pour ça que les écrivains qui prétendent écrire de la fiction, fiction mon œil, ils ne font que dire la vérité. Ils choisissent des segments de vérité qu'ils agencent pour en faire un roman. Mais ces écrivains, ces comédiens, ces chanteurs sont nos porte-paroles. Ils disent ce qu'on ne sait pas dire. Comme par exemple au Petit Bonheur. Merci beaucoup Boris Cyrulnik d'être venu nous parler de votre livre ce matin. C'est moi qui vous remercie. Le livre s'appelle « La nuit, j'écrirai des soleils ». On aura compris désormais ce que signifie que ce soleil, enfin ces soleils, et il est disponible aux éditions Odile Jacob. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette dernière semaine de la grille, vous nous avez concocté quelque chose pour cet été. Oui, alors j'ai beaucoup hésité pour cette dernière semaine, revenir sur les meilleurs essais de l'année, parler des vacances. Et puis finalement, comme l'été est toujours l'occasion de couper un peu avec l'actualité, je me suis dit, autant en profiter pour lire des classiques de la philosophie. Je vous ai ainsi fait une sélection de 5 livres de philo qui changent la vie. Alors oui, rien que ça, qui changent la vie. Je préfère le dire tout de suite, c'est une sélection qui n'a rien d'objectif, d'exhaustif ou de normatif. Elle est totalement subjective, elle tient pour beaucoup à l'âge, aux professeurs, aux circonstances dans lesquelles j'ai lu ces livres. Alors à chacun sa propre sélection, n'hésitez pas à discuter la mienne, voire à la contester et à proposer la vôtre. Je commence pour ma part, comme j'ai commencé en terminale, par Sartre. La grande idée de l'existentialiste, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant, que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance, parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il a tout du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Tenez par exemple vos sportifs, n'est-ce pas ? Ils ont tout à fait tort, en ce sens que nous pensons précisément qu'il n'est pas de corps que l'exercice, la patience, ne puisse améliorer. Et par conséquent, l'existentialisme est au contraire pour le sport. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être. Alors, est-ce que vous imaginez le choc quand on lit ça à 17 ans? Alors, peut-être vous l'avez vécu vous-même, peut-être vous avez au lycée ou ailleurs eu entre les mains ce texte, c'est L'existentialisme est un humanisme, donc de Sartre. C'est un texte court de 1946 qui a lancé le philosophe et son courant existentialiste. Et c'est un texte qui, je le précise, n'était qu'une simple conférence au début et est devenu une sorte de manifeste. Et il y a de quoi? Nous sommes condamnés à être libres. L'idée que développe ce texte est bien terrifiante, comme le dit lui-même Sartre. Mais c'est une idée, je l'avoue, qui vraiment change la vie, déjà parce qu'elle dit. Elle révèle au grand jour ce que l'on ressent très jeune de la liberté et de sa dimension brute, absolue. Elle a quelque chose de non négociable. Et puis c'est aussi une idée qui change la vie parce qu'elle donne précisément envie de vivre autrement et pas seulement pour soi-même. Si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Alors on a beaucoup vu Sartre comme une sorte de tyran qui s'est embrouillé peu à peu avec tout le monde, Camus, Merleau-Ponty, Aron entre autres, et Boris Vian d'ailleurs n'a pas hésité à le moquer en l'appelant Jean-Sol Partre. Mais il faut le dire, Sartre, quand on le lit, est séduisant et tout particulièrement ce texte simple, bref sans détour, qu'est l'existentialisme est un humanisme. En une idée, celle de dire que l'existence précède l'essence, il révolutionne non seulement une manière de penser la vie intellectuellement, conceptuellement, avec les notions de liberté, de puissance, de responsabilité, d'universalité, mais aussi de la vivre. Qu'est-ce que je décide de faire? Comment est-ce que je peux décider de mener ma vie? Comment aussi, même en ne faisant rien, je fais quand même quelque chose? Et comment ma décision engage, plus que moi, tous les hommes, l'universel? Ce sont, les existentialistes, ce sont des veules. C'est le triomphe de la veulerie. Bon, les existentialistes, c'est la saleté. On figure des existentialistes avec des pots de chambre en main. C'est l'obscénité. Bon, c'est, dit-on, l'excrémentialisme. Quelqu'un a dit, autrefois nous avions le mouvement dada, maintenant nous avons le mouvement caca. C'est surtout le pessimisme et le désespoir. Il paraît que nous sommes des désespérés. Vous voyez, ça c'est le procédé courant de l'adversaire. D'ailleurs, si nous étions désespérés, nous resterions chez nous. Qu'est-ce que nous venons faire ici? À parler aux gens. Mais en réalité, les gens affirment sans preuve que l'existentialisme c'est la mode du désespoir. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est de bon ton encore de critiquer Sartre pour son désespoir, sa radicalité, le côté séduisant aussi, et donc un peu facile, peu nuancé de certaines de ses formules. Pour ma part, j'ai eu la chance de le retrouver à la fac, de lire « L'être et le néant » ou « La critique de la raison dialectique » et je l'ai toujours autant aimé. Et oui, je n'ai par contre jamais relu « L'existentialisme est un humanisme » mais je suis sûre encore maintenant que je préfère avoir tort avec les colères et les postures, l'écriture et la pensée d'un Sartre qu'avoir raison avec pas mal de ses adversaires. Oui, sauf si c'est Camus. C'est une bonne idée, Géraldine, ces conseils de lecture. Vous l'avez lu, Boris Cyrulnik? Oui, bien sûr. J'ai lu « Les farces de la liberté » et on est libre de choisir, donc on est responsable, donc on est anxieux. Et ça explique peut-être pourquoi aujourd'hui tant de dictateurs sont démocratiquement élus. Ben voilà, de Sartre à la dictature. Enfin, comme dirait Clément Daté, hein, quelqu'un qui dit « l'enfer, c'est les autres », on a forcément envie de le lire. Un grand merci à l'équipe de Chemin de la Philosophie qui m'aide tous les jours à préparer cette émission. Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Clément Daté à la prise de son, Chloé Réjon à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le soleil. Demain, on renouera avec l'utilisation littérale du soleil, on parlera de bronzage et c'est Pascal Horry qui viendra vous proposer son histoire du bronzage. Vous verrez, c'est plus passionnant que ceux qui ricanent derrière leur poste semblent penser. Le bronzage, philosophie, ça, ce sera demain. D'ici là, pour écouter cette émission avec Boris Cyrulnik, c'est très facile, hein, vous vous rendez sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, sous un ciel ensoleillé. Rendez-vous aussi sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, où l'équipe des Chemins de la Philosophie attend vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.